Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, Gaumet-Dupré 1862. De l'incarnation du Christ, suite. Mode de l'union hypostatique. Explication. Après avoir montré la convenance de l'incarnation, nous allons considérer le mode d'union adopté par le Verbe incarné. Nous examinerons cette union d'abord en elle-même, ensuite dans la personne qui prend une autre nature, enfin dans la nature qui est prise. Ce dernier objet nous conduit à étudier les choses que le Verbe de Dieu a prises, et l'ordre dans lequel il les a prises, puis les perfections et les imperfections qu'il s'est appropriées, perfections de grâce, de science et de puissance. Imperfection du corps et de l'âme. Question 2. De l'union du Verbe incarné, considérée en elle-même. Que l'union s'est faite, non dans la nature divine, mais dans la personne même du Verbe. Unité de personne en Jésus-Christ. Union de son âme et de son corps. Explication plus particulière sur le mode de l'union du Verbe incarné. Cette union n'est pas accidentelle, bien qu'elle soit créée. Différence entre l'union et l'assomption. De la grâce qui a présidé à cette union. 1. L'union du Verbe incarné s'est-elle faite dans une nature? Voici la profession de foi du Concile de Chalcédoine. Nous confessons qu'il y a maintenant dans le Fils de Dieu deux natures, lesquelles sont unies sans confusion. Immuablement, indivisiblement, inséparablement, et de telle sorte que l'union ne détruit pas leurs différences. Soutenir que, dans l'incarnation, la nature divine et la nature humaine, conservant leur intégrité et leur perfection propre, se sont unies pour n'en former qu'une seule, à la façon de plusieurs pierres qui, rassemblées sans ordre, constitue un monceau, ou, disposé avec ordre, un édifice, ce serait admettre une union purement accidentelle, conclusion dont nous démontrerons la fausseté. Prétendre que les deux natures se sont transformées et mélangées, comme les corps élémentaires qui produisent un corps mixte, c'est affirmer une chose impossible. La nature divine, immuable et incorruptible, ne peut ni se changer en une autre, ni permettre qu'une autre se change en elle. Vouloir que la nature divine et la nature humaine se soient unies à la manière de deux choses imparfaites, sans mélange et sans transformation, comme l'âme et le corps dans l'homme, c'est vouloir une autre impossibilité. D'abord, la nature divine et la nature humaine sont parfaites, chacune dans leur espèce. Ensuite, la nature divine, nous l'avons montré ailleurs, ne peut devenir la forme d'aucune chose, et surtout celle d'un corps. Enfin, le Christ n'aurait ni la nature divine ni la nature humaine, car l'addition d'une différence change l'espèce, comme l'unité change le nombre. Donc l'union du Verbe avec la chair ne s'est pas faite dans une nature. Note. L'âme et le corps constituent en nous une double unité, celle de la nature et celle de la personne. L'unité de la nature, en tant que l'âme est unie au corps comme sa forme, sous ce rapport, il n'y a pas de ressemblance à établir avec le Christ. La nature divine ne pouvant pas être la forme d'un corps, l'unité de la personne, en tant qu'un seul et même individu subsiste dans une chair et dans une âme. À ce point de vue, il y a de la ressemblance entre le Christ et nous, car un seul et même Christ subsiste dans la nature divine et dans la nature humaine. Fin de la note. 2. L'union du Verbe incarné s'est-elle faite dans une personne? Nous lisons dans les décrets du Concile de Chalcédoine, nous confessons que notre Seigneur Jésus-Christ, le Verbe de Dieu, n'est pas partagé ou divisé en deux personnes, mais qu'il est un seul et même Fils unique de Dieu. L'union du Verbe incarné s'est donc faite dans la personne même du Verbe. En effet, puisque la nature humaine n'est pas unie à la nature du Verbe de Dieu, si elle ne l'est pas à sa personne, elle ne lui est unie d'aucune manière, conclusion contraire à la foi catholique. Donc l'union s'est faite dans la personne du Verbe. Note. Mais, dira quelqu'un, qu'est devenue la personnalité humaine, qui fait la dignité de l'homme? La personnalité ne rentre dans la dignité des êtres que tant qu'il est de leur perfection d'exister par eux-mêmes. Comme il y a plus de dignité pour un être à exister dans un autre plus noble que s'il existait par lui-même, la nature humaine existe avec plus de noblesse dans la personne du Verbe qu'en nous, où elle a sa personnalité propre. C'est pourquoi, bien que, dans le Christ, elle soit une substance individuelle, elle n'a pas de personnalité propre. Fin de la note. 3. L'union du Verbe incarné s'est-elle faite dans un seul suppôt ou hypostase? Saint Jean Damascène dit, « Nous reconnaissons en notre Seigneur Jésus-Christ deux natures, mais une seule hypostase. » L'union du Verbe incarné s'est faite dans une seule hypostase ou suppôt divin, donnée à la nature humaine du Christ une hypostase propre, ce serait lui attribuer par là même une personnalité propre, ce que condamne le cinquième concile de Constantinople en ces termes. Si quelqu'un cherche à introduire dans le Christ deux subsistances ou personnes, qu'il soit anathème. Supposons pour un moment qu'il y eut dans notre Seigneur une autre hypostase distincte de celle du Verbe, il faudrait dire que ceux qui regardent en lui l'humanité, comme la naissance, les souffrances, le crucifixion, s'appliquent, non au Verbe, mais à un autre individu, ce qui serait une hérésie condamnée par le Concile d'Éphèse, qui enseigne que le même Christ avec sa chair est Dieu et homme. Il n'y a donc dans le Christ ni deux suppôts, ni deux hypostases, pas plus qu'il n'y a deux personnes. L'union s'est faite en une hypostase ou suppôt, c'est-à-dire en une personne. Note. La nature humaine est dans le Christ une substance particulière, mais, comme elle est unie à la personne du Verbe pour former un être complet, à savoir le Christ tout entier, Dieu et homme, on ne peut l'appeler une hypostase ou un suppôt, dénomination qui convient uniquement à l'être complet qu'elle aide à constituer. Fin de la note. 4. La personne ou hypostase du Christ est-elle composée? Nous confessons, dit Saint Jean Damascène, qu'il y a en Jésus-Christ deux natures et une seule hypostase composée de ces deux natures. La personne du Christ est absolument simple en elle-même, mais, comme elle subsiste dans deux natures et que sa subsistance repose ainsi sur un double fondement, on peut dire que la personne ou l'hypostase du Christ est composée. Pour marquer uniquement qu'elle subsiste en deux natures, quoiqu'elle ne soit qu'un seul être subsistant. 5. Y a-t-il eu union de l'âme et du corps dans le Christ? L'Église chante ces paroles, prenant un corps animé, il a daigné naître d'une vierge. Le corps n'est animé que par son union avec l'âme, donc l'âme et le corps sont unis dans le Christ. Le Christ, en effet, est appelé homme dans le même sens que les autres hommes, comme le marque ce mot de Saint Paul, il est devenu semblable aux hommes. Philippiens 1, 17. Or il est de l'essence de l'espèce humaine que l'âme soit unie au corps. Par conséquent, l'âme du Christ a été unie à son corps. La doctrine contraire serait hérétique. 6. La nature humaine a-t-elle été unie au Verbe de Dieu accidentellement? Petit chez Dioscor, confondant les natures, n'en admettaient qu'une seule dans le Christ. Nestorius et Théodore de Mopsuest, divisant les personnes, établissaient une distinction réelle entre la personne du Fils de Dieu et celle du Fils de l'homme. Les uns et les autres supposaient une union purement accidentelle. Mais la Sainte Église de Dieu enseigne, par l'organe du cinquième concile œcuménique, que le Verbe s'est uni à une chair, non par la confusion des natures, comme le prétend Eutyché, ou par l'unité d'affection, comme le soutient Nestorius, mais par le mode de composition, c'est-à-dire quant à la subsistance. Ainsi, l'union accidentelle et la dualité des hypostases ou personnes sont des hérésies. Note. Rien n'empêche que ce qui est uni à un être dans une seule personne ne soit employé par lui comme instrument, on le voit par notre corps et par nos membres. L'erreur de Nestorius consistait à soutenir que le Verbe de Dieu ne s'était point uni la nature humaine dans une seule personne ou hypostasée, et qu'il ne l'avait prise que comme un instrument. Aussi cet hérésiarque n'admettait-il pas que le Christ fût vraiment Fils de Dieu, il le regardait comme un simple organe de la divinité. Saint Cyril, pour le réfuter, écrivait aux moines d'Égypte, « L'Écriture n'enseigne point que le Christ, l'Emmanuel, a été pris pour servir d'instrument, elle le présente comme Dieu véritablement incarné, c'est-à-dire fait homme. » Fin de la note. 7. L'union de la nature divine et de la nature humaine est-elle quelque chose de créé ? Une telle union entre Dieu et la nature humaine n'a pas toujours existé, donc elle est quelque chose de créé. Toutefois, la relation qui résulte de cette union n'implique aucun changement en Dieu, elle est en réalité dans la créature, c'est-à-dire dans la nature humaine, qui est créée, elle n'existe en Dieu que pour notre esprit. Note. On peut se reporter à ce que nous avons enseigné dans la première partie, question 13, 7, sur la nature des relations entre Dieu et les créatures, c'est, avons-nous dit, le changement des êtres créés qui donne naissance aux relations. Fin de la note. 8. L'union du Verbe est-elle la même chose que l'Assomption ? L'union désigne le rapport de la nature divine et de la nature humaine, au lieu que l'assomption implique proprement une action. L'assomption signifie une action qui se fait, et l'union une action faite. L'assomption détermine à la fois le principe d'où procède une action et le terme où elle aboutit, l'union ne détermine aucun de ces extrêmes. On dit très bien que la nature divine est unie à la nature humaine, et que la nature humaine est unie à la nature divine, mais on ne dit pas que la nature humaine ait assumé la nature divine, tandis qu'au contraire on peut dire que la nature humaine a été assumée. L'union et l'assomption n'ont pas, comme on le voit, une complète synonymie. Note. Toute personne qui assume produit l'union, mais toute personne qui unit n'assume pas. Le Père, par exemple, a uni la nature humaine à la personne du Fils, sans l'assumer. Fin de la note. 9. L'union des deux natures dans le Christ est-elle la plus étroite des unions ? Dans la personne divine, où les deux natures sont unies, l'union de l'incarnation est la plus étroite de toutes les unions. Envisagée du côté des deux natures unies, elle n'a pas la même prééminence. 10. L'union des deux natures a-t-elle été produite dans le Christ par la grâce ? Le mot grâce a deux sens, il désigne parfois la volonté de Dieu qui donne gratuitement quelque chose, et parfois le don gratuit que Dieu accorde. Pour arriver à l'union divine, soit par une opération comme celle des saints qui connaissent et aiment Dieu, soit par l'union personnelle elle-même, propre au Christ, qui consiste en ce que la nature humaine a été prise pour exister dans la personne du Verbe, la nature humaine a évidemment besoin de la volonté gratuite de Dieu. Si on entend par le mot grâce la volonté divine opérant gratuitement quelque chose ou ayant de l'amour pour quelqu'un, l'union de l'incarnation s'est faite par la grâce. Le mot grâce signifie-t-il un don gratuit de Dieu ? Rien encore ne nous empêche de dire que la nature humaine a été unie à la personne divine par la grâce, pour marquer que cette union s'est réalisée sans aucun mérite antérieur. 11. L'union du Verbe incarné a-t-elle été la conséquence de quelque mérite ? Saint Paul écrivait, « Dieu nous a sauvés par le baptême de la régénération, non à cause des œuvres de justice que nous avons faites, mais en vertu de sa miséricorde. » Tite 3:5. Par qui l'incarnation aurait-elle pu être méritée ? Par le Christ lui-même ? Dès le premier instant de sa conception, il était vraiment fils de Dieu, selon ce témoignage de l'Évangile, le fruit saint qui naîtra de vous sera appelé fils de Dieu. Luc 1:35. Toutes ces opérations ayant suivi l'union hypostatique, aucune n'a pu mériter cette union. Par les œuvres d'un autre homme, pas davantage, du moins d'un mérite de condignité. D'abord, l'incarnation est le principe de la grâce, suivant cette parole de saint Jean, « La grâce et la vérité nous sont venues par Jésus-Christ, Jean 1, 17. » Ensuite, elle avait précisément pour fin de restaurer la nature humaine tout entière. Quoi qu'il en soit, les saints patriarches, par leur désir et par leur prière, l'ont mérité d'un mérite de congruité, car il était convenable que Dieu exauçât des hommes qui lui étaient si fidèles. 12. La grâce de l'union a-t-elle été naturelle au Christ comme homme ? Si le mot naturel désigne ce qui découle des principes essentiels d'un être, la grâce de l'union n'a pas été naturelle au Christ comme homme, car, bien qu'on puisse dire qu'elle découle naturellement de la nature divine sur la nature humaine qui la reçoit, elle n'a pas été produite en lui par les principes constitutifs de la nature humaine. Mais comme, dans un autre sens, on appelle naturel ce qu'un être possède dès sa naissance, la grâce de l'union et la grâce habituelle lui sont l'une et l'autre naturelles, en tant qu'il les a possédées dès sa naissance. La nature humaine a été unie à sa personne au premier instant de sa conception, et, à ce moment même, son âme a été remplie de tous les dons de la grâce. markemdanarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.